lieu. Mon cœur de silex vite prend feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe et je ne peux me résoudre aux adieux. Je suis bien qu'un ex. Amour n'a pas de chance et si peu. Mais pour moi une ex, des questions vaudraient mieux. Sous aucun prétexte je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex je saurais mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi une ex, l'application voudrait mieux.